Le maréchal Kim Jong-un a envoyé le 27 mai une colonne mortuaire devant le cercueil de feu Madame Kim Il-sung, ancienne combattante révolutionnaire anti-japonaise, en signe de ses profondes condoléances à son décès.